le poilu invisible, a contribué par son œuvre littéraire à rendre sensible l'expérience de cette guerre inédite. Son parcours incarne le combat à fronts multiples de cette grande guerre. Blessé au cours des combats, il reste partiellement invalide, avec de nombreuses séquelles et la perte de l'usage de sa main gauche. Après sa convalescence, il est atteint par la grippe espagnole. « J'ai voulu témoigner, disait Maurice Genevoix, et déformer le moins possible. » Le jeune sous-lieutenant est mobilisé en 1914 dans un régiment d'infanterie. Grièvement blessé dans la Meuse en 1915, il commence à écrire sur son lit d'hôpital. Il sera la plume de la Grande Guerre, le porte-voix d'une génération décimée. C'est pourtant un autre auteur qui est plébiscité dans l'après-guerre par les anciens combattants. Roland Dorgelès, qui publie Les Croix de Bois en 1919. Adapté au cinéma dès 1932, le récit du quotidien des soldats est salué par la critique et ses anciens combattants qui vont d'ailleurs jouer dans sa transposition cinématographique sous la direction du réalisateur Raymond Bernard en quête d'une restitution au plus près de la réalité des combats. Au-delà du choix de la personne par laquelle une foule se voit reconnue dans la mémoire nationale, ce qui reste en suspens est une dette impossible à honorer. Ces soldats de la Première Guerre mondiale, parmi lesquels 700 000, n'ont pas été retrouvés, un chiffre inimaginable, et leurs dépouilles gisent encore sur les sites des champs de bataille que l'on retrouve à l'occasion de chantiers ou de fouilles plus ciblées. Ce 11 novembre, c'est un hommage à ces inconnus de l'histoire, célébré à travers un corps, celui du soldat inconnu. La question est posée dès 1916, pourquoi la France n'ouvrirait-elle pas les portes du Panthéon à l'un de ses combattants ignorés morts pour la patrie ? Ce qui apparaît ici, c'est l'impossibilité de célébrer seulement les chefs de guerre. Après l'armistice en 1918, les députés optent pour le dépôt au Panthéon d'un livre d'or où seraient inscrits tous les noms des morts de la guerre qui vient de s'achever. L'incarnation semble insuffisante et l'année suivante, une nouvelle proposition est formulée dans une loi qui propose d'inhumer un corps de soldat qu'aucun proche n'aurait réclamé pour incarner le sacrifice de la multitude et permettre aux familles de disparus de pleurer un corps à la fois symbolique et bien réel. L'idée est entreposée dans les couloirs de la Chambre, mais un an plus tard, c'est la Grande-Bretagne qui franchit le pas et annonce vouloir édifier une sépulture de combattants anonymes. Une querelle nationale commence alors devant la frilosité du gouvernement français. Elle concerne d'abord le lieu choisi. Toutes les tendances politiques de la nation ont œuvré à la victoire et le choix du Panthéon, créé par la Révolution française, en tant que lieu ultime de sépulture du combattant, ne recueille pas tous les suffrages. Ce sera donc l'Arc de Triomphe. Cette polémique, racontée par Jean-Yves Le Naour, pose la question irrésolue du sens à donner aux soldats inconnus. S'agit-il d'un héros ou d'une victime, d'un exemple ou d'un martyr ? Justifie-t-il la guerre ou bien est-il une sentinelle de la paix ? Une interprétation mouvante qui reste disponible à chaque 11 novembre célébré depuis. Oui, le soldat inconnu, le père de tous les orphelins, le mari de toutes les veuves et le fils de... Il n'y a pas de mots pour celles qui ont perdu un enfant. On retrouve le journal de l'histoire sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Valentine Lovrens, Anne Toscan-Judès, Marion Dupont, Odile Jouessel. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Les élites en temps de crise, des tyrans face à la démocratie athénienne, à l'empire carolingien qui se délite, des émissions à écouter et réécouter en podcast, la balado diffusion sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, il y a du sang dans l'encrier 1944-1945 avec Gisèle Sapiro pour son ouvrage « Des mots qui tuent, la responsabilité de l'intellectuel en temps de crise » au sortir de la Seconde Guerre mondiale.